Bonsoir et bienvenue pour ce live de Late Night Wrestles, le podcast de Wrestles Radio consacré à la WWE et ses pay-per-view. Vous êtes sur YouTube, donc si vous nous suivez, et ou sinon sur wvr.voxcatch.fr pour suivre notre podcast avec lequel vous pouvez interagir via le hashtag WVRLive. Ce soir, on va parler du Royal Rumble. Et pour nous accompagner ce soir, deux ou trois analystes de renom, en tout cas depuis leur chambre ou leur salon, après on ne sait pas. Le premier ne pouvait pas ne pas être présent ce soir, puisque le pay-per-view se déroulait à Philadelphie, c'est Brusty. Oh Brusty. Yes. Ah ben oui, forcément, ouais. Faut avouer que si c'était il y a encore peu, j'aurais eu du mal à être présent, mais ouais, non, mais là ça va. Bien présent, effectivement, et puis forcément que moi, naturellement, j'adore tout ce que fait la foule là-bas. Évidemment. Et tout ce qui se produit à Philadelphie. Voilà. Tout. Exactement. Il pourrait nous en parler pendant un podcast, mais le podcast ne concerne pas la ville. Dommage. Un petit peu quand même, mais on va en reparler. Le second ne pouvait pas ne pas être présent ce soir, puisque DDP était dans le pay-per-view. C'est notre jukebox humain, c'est Renaud. Salut Renaud. Bang ! Salut Pierrot, et salut à tous les amis auditeurs. Le troisième, s'il veut venir avec nous, c'est parce qu'il vient d'arriver. De toute façon, là, on est en mode gros, allez, c'est peut-être le dernier live, alors allez, c'est folklore et tout, vas-y, viens. Salut Rubenito qui va défendre la fierté marseillaise ce soir. Ça va? Ça va, et vous? Ah, yeah. Nous, on va très bien. Et le dernier pouvait ne pas être présent ce soir, puisque c'est tout simplement Kevin qui n'est pas là. Voilà. Il nous a dit qu'il allait venir, il n'est pas là, donc c'est Kevin, c'est habituel, tout va bien. Il va peut-être intervenir plus tard, on verra. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est normal, c'est Kevin, il va venir, et sa connexion qui a peut-être foiré, peut-être pas. Voilà, c'est RSS Radio, ça se passe comme ça. On peut pas faire confiance aux Marseillais. Voilà, et exactement, et tu le sais. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà, très bien, en tant que Toulonnais, mes fans de Marseille, voilà. On vous laisse vous préparer à faire un petit décompte et on rentre dans ce Royal Rumble juste après ce jingle. On se retrouve donc et à Philadelphie pour ce 28e, il me semble, Royal Rumble. Un Royal Rumble qui démarre avec un pré-show, comme d'habitude, avec des analyses sur les matchs de la soirée et un match entre Cesaro, Tyson Kidd et l'équipe de The New Day, composée encore une fois de Biggie, Kofi Kingston. C'est à peu près l'équipe la plus fréquente du groupe. Chacun accompagné par leur sidekicks, donc pour Cesaro et Tyson Kidd, il y avait Natalia, Adam Rose et les Rosebuds, et pour Biggie et Kofi Kingston, il y avait Xavier Woods. Un tag team match qui a duré quand même 11 minutes et 3 secondes, et c'est Cesaro et Tyson Kidd qui ont vaincu le nouveau jour. Brucey a vu le pré-show, il me l'a dit tout à l'heure. Ouais, je suis toujours un abonné naturel de ce show, évidemment, et toujours évidemment le panel aussi animé par Renee Young, et puis qui avait Booker T, Alex Riley et Corey Graves. Non, il n'y avait pas Alex Riley. Bah, si, c'est Corey Graves. Alex Riley, il a râlé aujourd'hui sur Facebook en disant qu'on l'avait évincé du Royal Rumble. Ah, autant Corey pour Graves, moi. Bizarre, je croyais qu'il était aussi fin, bref. Non, moi je l'ai pas vu le pré-show. Ouais. Donc, le match, oui, ben alors, dans une ambiance de folie, faut le dire clairement. Et là, on voit que Cesaro, il a quand même passé à Philadelphie vu que avant il était quand même très connu sous le nom de Claudio Castagnoli à la Ring of Honor et que il se produisait énormément à Philadelphie, ce qui fait que le public était à fond derrière lui et que je sais pas si c'était prévu au départ ou pas la victoire, mais à mon avis oui quand même, faut pas déconner, mais quand même on a senti vraiment le souffle aller derrière Cesaro et Kidd, alors que la New Day ils ont passé une très mauvaise soirée d'ailleurs au Rumble aussi, ça se poursuivra avec des huées massives. Franchement Kofi, je pense il a jamais vécu ça dans sa carrière. Donc voilà, c'était pas un cadeau pour lui. Donc un bon match, voilà, indiscutable, surtout quand Cesaro avait la main. Et puis, mine de rien, une grosse folie à la fin. Donc voilà, assez inattendu quand même le résultat pour ma part, vu que en général, c'est quand même les fesses qui gagnent. Donc, Quelqu'un d'autre a vu ce pré-show ? Pas moi. Non ? Merci. Moi non plus, j'ai pas vu. Hein. Moi non plus, donc voilà, c'est très bien, on va pouvoir entrer directement dans le show. En parlant donc de The Ascension, qui donc composé de Connor et Victor, qui ont battu... The Road Dog, Jesse James, the badass Billy Gunn, the new age outlaws. En 5 minutes 25, un tag team match très rapide, Rubénito, allez, lance-toi. Alors oui, en fait, comme d'habitude, l'entrée des New Age Outlaws était quand même pas mal. Alors sur le coup, j'ai un peu eu peur parce que n'ayant pas vu le pré-show, Bruce Lee, il y a une super ambiance avec Cesaro et tout, je me suis dit merde, ils ont pas une super pop. Enfin, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux au niveau de la pop qu'ils auraient eu. Et donc je me suis dit merde, Philadelphie est pas en forme. Bon, la suite nous a prouvé qu'ils étaient quand même pas mal en forme. Et sinon, le match en lui-même, vivement que le push de The Ascension soit fini parce que c'est bidon et j'accroche pas du tout. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, parce que bon, il s'est pas passé grand chose dans le match. À part leur finish qui est pas mal, franchement, que ce soit leur gimmick, leur perso, leur tête, leur façon de catcher, j'aime pas du tout. Ouais, c'est pas vraiment l'avis de Jason Kendricks, donc notre auditeur qui d'habitude intervient sur les vintage, mais là, il a voulu aussi intervenir sur le live, et donc il nous a envoyé ses avis, et on va en distiller un petit peu pendant ce live. Il dit que ce match s'est bien passé, même si il sent un peu too much, il trouve que les New Age Outlaws sur un ring, ça vaut encore le coup malgré l'âge, et que The Ascension sont vraiment top, que ce soit niveau charisme ou niveau technique, et j'ai beaucoup d'espoir en eux. Alors, vu vos charismes, faudra m'expliquer, mais pourquoi pas. C'est pas... ouais, vu les dernières semaines, va falloir un peu densifier tout ça. Renaud, est-ce que tu es du même avis que notre auditeur? Non, je suis pas du tout convaincu par le travail de The Ascension, De toute façon, ce soir, c'est trois vieux qui réagissent, donc c'est trois qui ont connu un petit peu... C'est papy. Voilà, c'est des papys du catch ce soir qui réagissent. Et du coup, vous connaissez un peu ces vieilles tag teams, un peu, vous les avez vus plus ou moins, quoi. Ah oui, non, mais... C'est tout, un peu comme ils essayent de promouvoir The Ascension en ce moment, quoi. Ouais, non, bon, après... Sincèrement, je veux dire, si ça serait une nouvelle équipe qui serait très forte dans un ring et qui me plairait, je le dirais avec grand plaisir, mais je trouve qu'il y a rien, quoi. C'est vraiment, déjà sur le match en lui-même, c'est très, très, très oubliable. Il y a rien à retirer, on va plus s'en rappeler d'ici là. Enfin, moi, je me rappelle à peine, là, maintenant, même en reparlant. Les New Age, ils sont clairement revenus pour mettre en avant les jeunes et donner une première victoire en pay-per-view à The Ascension qui est sur une lancée, mais on va voir, mais ça va peut-être s'arrêter, comme ça, c'est déjà arrêté pour d'autres. Des fois, les mecs, ils sont nouveaux, ils arrivent, on les lance, et puis finalement, ça marche pas, quoi. Là, je suis pas du tout emballé par ce qu'ils font. New Age Outlaw, on les avait vus face aux Usos, ça avait donné des bons matchs. On sait qu'ils sont pas cramés, ça va encore. Ils ont pas non plus 60 piges, donc ils sont encore là, bien présents. Ils ont pas eu Billy Gunn. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Surtout Billy Gunn, qui a moins morflé que le Road Dogg, en plus, dans sa carrière. Et qui a toujours été meilleur que le Road Dogg, même à l'époque où les deux étaient au top. Donc sur ça, y a pas de souci. Après, oui, c'est oubliable, et c'est vraiment un opener qu'on... Voilà, c'est fait pour mettre en avant The Ascension, mais une nouvelle fois, j'ai pas été convaincu. C'était leur premier match en pay-per-view, et pour l'instant, toujours rien, quoi. Enfin, pour ma part. Brucey. Bah, là non plus, moi, pas du tout séduit par The Ascension. En même temps, pour les avoir beaucoup trop vus à NXT, où ils étaient champions par équipe pendant bien longtemps, avant d'être battus par Sin Cara et Kalisto, c'était voilà déjà pas terrible du tout, des matchs très courts. Là, ça s'est pas amélioré. Là, c'est le match le plus long de leur carrière, limite. À part celui qu'ils ont perdu contre Finn Balor et Hideo Itami, au dernier takeover de NXT, mais sinon, voilà quoi. C'est sûr que je les vois avoir aucun avenir et ce match, il va aller surtout pour voir un peu les New Age Outlaws et voilà, c'est tout. Après, on connaît le résultat et c'est un peu normal que le public se soit pas enflammé parce qu'il faut être honnête que la première heure avec tous les matchs par équipe, là, c'est du genre à anesthésier un petit peu, quoi. Bah, justement. Après, excuse-moi, Pierre, je me pose une question, c'est que finalement, dans les tag teams, les Ouzo, ils ont un peu fait le tour de tout le monde, donc ils ont plus que The Essential à affronter. Ou éventuellement Cesaro et Kid, mais c'est quand même plus crédible avec un peu la hype qu'il y a autour de Ascension que ça affronte les Ouzo. Donc les Ouzo, on sait qu'ils sont capables de donner des bons matchs contre tout le monde. Donc bon, éventuellement voir ça, mais voilà, moi c'est la seule chose pour laquelle je vois un avenir sur le court terme pour eux, quoi. De toute façon, il va falloir qu'ils affrontent des tag teams actuels. Hein. Le booking qu'ils ont eu ces dernières semaines, ça va pas être possible pendant 6 mois. Enfin, je pense qu'ils en sont conscients. N'est pas Ryback qui veut. Hein. Oui, voilà. Enfin, ouais, two is better than one. N'oubliez jamais ça. Two is better than one. Du coup, on va partir sur troisième tag team en comptant le pré-show de la soirée avec justement les Ousso qui ont défendu leur ceinture face à The Miz et Damien Bisdo, pardon, avec succès en 9 minutes 20 secondes. Allez, Renaud, vas-y. Moi, j'ai trouvé que c'était au-dessus de l'opener, mais c'est pas difficile. Après, c'est toujours un peu le même schéma. Ça reste bon dans l'ensemble. C'est pas, on peut pas dire que ce soit mauvais, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, je sais pas trop quoi dire de plus. Le Miz d'eau, je le vois pas rester encore longtemps avec le Miz. À mon avis, il va se retourner contre lui parce qu'il est vraiment pris pour un toutou. Et au bout d'un moment, ça va un peu se terminer, le truc. Et peut-être, pourquoi pas s'affronter à WrestleMania d'ici là, je sais pas. Donc, c'est ta question. Ah, d'accord. Alors, vas-y, je t'en prie. C'est pas grave. Non, vas-y, mais surtout que j'ai tout dit. Justement, c'était ça, quoi. T'as tout dit. C'est magnifique. Donc, du coup, Miz contre Mizo, est-ce que ça vaut en WrestleMania? Est-ce que ça vaut un match à WrestleMania, à votre avis? Dans le preview, pourquoi pas? Dans le pré-show, pardon, pourquoi pas? On le sait que dans WrestleMania, il y a toujours un ou deux matchs un peu, entre guillemets, hors sujet. Donc, autant dire que là, et puis surtout, Mizo, avec la pop qu'il récolte au fur et à mesure. En deuxième match, en troisième match, même en premier match, je vois pas. Un opener, en général, c'est un match solide, donc. Ou en deuxième match, troisième match. Moi, je verrais bien un truc du style, de mise avec une personnalité, on va dire, un people. Et Sando avec un people, éventuellement, ça pourrait être. Ah aussi, ouais. C'est ce qui pourrait hyper ce genre de match. Après. Comme un match de diva. Voilà, à peu près. C'est franchement là. Maria Menounos, où il y a l'époque. Voilà, d'un côté. Voilà, je vois bien ce style de match, éventuellement. Ce qui pourrait avoir une place dans un WrestleMania. Schwarzy qui fête son Hall of Fame. Put that cookie down now. On va passer à la suite ou. Et sinon, le match, c'est juste un peu comme d'habitude, mais là, avec une montée vraiment très forte, le personnage de Mizdo prend vraiment le dessus sur un peu tout. Il faut être honnête qu'on regarde que lui. Hein, donc après, voilà, on le voit faire. Et puis là, on voit déjà qu'il y a un début d'émancipation très clair. Donc, mais bon, il continuera voilà. Par la suite, on va en reparler. Comme vous le dites, un matin, il va aller mieux. Quoi, un mini segment après, on va en reparler lors du Royal Rumble. Du coup, messieurs, vous n'avez rien à ajouter sur tout ça? Non, à part les Ouzo qui sont toujours solides, après, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'ils font un travail égal. Moi, j'aime bien ce genre de team. Enfin, en tout cas, de catcheurs, même si c'était du solo, c'est pareil. Je trouve que c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. C'est toujours bon, quoi. Moi, j'ai pas de souvenir d'un très mauvais match des Ouzo. Enfin, je sais pas, Renaud, il pourrait peut-être me dire ça. Non, mais je confirme. Franchement, c'est toujours très bon. Enfin, c'est toujours bon. Et parfois, c'est très bon. C'est ça. Ça me fait un peu penser à Sheamus, quoi. C'est toujours très bien. Et parfois, c'est fantastique, quoi. Mais c'est d'accord. On va passer à la suite avec un dernier tag team match entre les Bella Twins. Et Paige et Natalia, donc la championne des divas qui n'avait pas à défendre son titre, donc Brie Bella, Nikki Bella, pardon, excusez-moi. Et c'est les Bella Twins qui ont battu Paige et Natalia en 8 minutes 4 secondes. Je sais que je ne dois pas demander à Renaud qui ferme les yeux à chaque fois qu'il voit une diva. Donc Bruce, C'est normal, en même temps, Renault est attiré par autre chose. Bref. Bang! Bang! Merci. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, en bang, attendant bang. Ce Ça match... Ça serait bien que tu penses à muer, Pierre, par contre, quand tu fais bang. C'est oui. Bon, j'ai une voix normale. Hein, c'est tout. Ouais, mais c'est le petit genou de la bande, c'est normal. Il a 10 ans de moins que nous, au moins. Donc, à partir de là, oui, le match des Bella. Tu es un vrai petit garçon. Oui, Pinocchio. Oui, donc le match des Bella, il n'y avait pas de titre en jeu, donc ce qui rendait aucun intérêt absolument au match. Sinon, bon, c'est sûr que l'association Natalia Page, elle est sympa sur le papier. Elle est sympa aussi visuellement, mais bon, après, ça fait pas non plus un grand match, parce que, voilà. En plus, la fin, elle est quand même assez tirée par les cheveux. Voilà, avec Paige qui est un peu mise de côté, et donc le tombé qui est fait sur Natalia par Brie, non, par Nikki, j'ai une connerie, qui fait en plus un move de Wade Barrett. Donc, voilà. Mais c'est un move qu'elle a déjà fait, excuse-moi, mais c'est un move qu'elle a déjà fait aussi en trahissant Brie au SummerSlam. C'est vrai, mais on l'avait plus vu, je crois, depuis là, il me semble. J'avais plus moi, j'ai fermé les yeux depuis. C'est vrai. Donc, du coup, d'ailleurs, Renaud qui intervient sur l'analyse d'un match de Diva, c'est bizarre, mais voilà. Il y avait rien de plus à dire, à vrai dire. Rubénito. Non, mais effectivement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Moi, Paige, depuis le début, j'accroche pas, encore que, bon, on voit quand même que c'est pas la plus mauvaise des divas, mais voilà, il n'y a rien. Natalia chaperonne un peu tout ça, mais on a l'impression que c'est maman qui va jouer avec ses trois filles, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. du coup, pour vous, laquelle des deux va affronter Nikki Bella? Paige ou Natalia, les deux. Bah, Natalia, hein. Natalia. Ah oui, si, oui, c'est vrai, Fatal Four Way. Parce que mine de rien, il y a toujours un peu le truc, on sait jamais, ça peut repartir ébri, donc voilà. Et sinon, sur Twitter, là, je vois qu'il y a Top Level, auditeur fidèle, qui dit que lui, il a apprécié le match, mais en postant une image, de Paige, donc, oui. Qui, pendant le match, elle, comme elle le fait souvent, elle était un petit peu couchée sur Brie, donc, voilà. Ah, le tombé façon, ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, son avait... chaudasse, là. Oui. Qui lui va tellement bien. C'est ah, sûr là, que c'est là. Mieux elle quand elle fait ce tombé là que Bam Bigelow, oui. Donc voilà. Donc après, bon, une heure et demie pratiquement de show, on va peut-être attaquer les choses sérieuses, on se dit Royal Rumble. Et justement, bah, c'est le match pour le titre de la WWE, enfin le titre WWE World Heavyweight, avec Brock Lesnar qui défendait sa ceinture face à John Cena et Seth Rollins, et qui a réussi à la défendre dans un match, voilà, un match qu'on aimerait, comme on aimerait en voir plus souvent, de 22 minutes 44 secondes. Renaud, à toi l'honneur. Bah oui, merci déjà. J'ai trouvé que c'était énorme, un énorme combat, super bien booké, avec une intensité folle et un rythme de fou. Les trois catcheurs ont joué leur rôle, ça m'a bien fait plaisir. C'est sans doute un des meilleurs triple threat match qu'on ait pu voir, hein, sincèrement. Je pense aussi au Benoît, Shawn Michaels, Triple H de WrestleMania 20. Il y avait aussi un très bon Rock Angle Taker à Vengeance 2002, qui est un peu plus confidentiel, mais qui avait été très bon. Mais celui-là, il va vraiment se classer dans les tout meilleurs. On a parlé sur le vintage qu'on avait fait, c'était le Royal Rumble 2002, on parlait de Taz, qui était le Human Suplex Machine, mais je peux vous dire que Lesnar, maintenant, aussi, il est vraiment devenu, parce que c'est fou, quoi. Comme il enchaîne les souplesses, les German sur John Cena, il a pris aussi Noble et Mercury, et il les a balancés d'un coup, avec une facilité folle. La souplesse sur Seth Rollins, qui m'a fait très peur aussi, où Rollins tombe sur l'épaule, de côté. J'ai eu très peur pour lui. D'ailleurs, faut préciser que ce pay-per-view-là était cool, aussi, par rapport au ralenti. La WWE l'avait déjà fait ça sur quelques pay-per-view, puis elle a lâché l'affaire sur certains. Elle avait commencé à faire ça sur Battleground, en fait. Le Battleground de 2012, si j'ai pas de bêtises, 2013. Ils avaient commencé à faire ça, des ralentis vraiment en mode ralenti. Et des fois, ils font pas. Là, ils l'ont refait sur le Royal Rumble, et je trouve que ça donne bien, moi, ces ralentis-là. Comme ça, on voit bien les impacts, même la descente du genou. Ça a été aussi testé à NXT. C'est une espèce de bullet time, un petit peu, pour ceux qui ont joué à Max Payne. Voilà, c'est une sorte d'effet bullet time, un petit peu comme ça, où, ouais, il y a vraiment... une impression, un petit effet qui est ajouté. Et ouais, j'avais remarqué aussi, ça donne vraiment un cachet supplémentaire au ralenti. Ouais, complètement. Pas pour vous. Ah, pour moi, oui, complètement, totalement. On voit bien les impacts déjà, sur le coup d'avant-bras tout à l'heure qu'on parlait de Nicky, ou le coup de la descente du genou de Rollins, même la descente du coude aussi, la fameuse descente du coude de Seth Rollins qui a été énorme dans ce combat parce qu'il a sorti des prises de fou. La descente de Shawn Michaels, quoi. La descente du coude sur la table m'a plus fait penser, moi, à la descente du coude de Shane McMahon. C'était un spécialiste de faire ça sur la table, mais la sienne était encore plus belle parce qu'il donne encore plus d'impact, Seth Rollins, à cette prise-là. Puis il est allé nous ressortir un truc de dingue. Il nous a fait un Phoenix Splash. Le Phoenix Splash, c'est un move qui est pas du tout utilisé à la WWE. En tout cas, personnellement, la dernière fois que j'ai vu un Phoenix Splash à la WWE, c'était Jeff Hardy. Et c'était le Jeff Hardy des débuts. C'était le Jeff Hardy des tout débuts. Et la précision, c'est qu'en fait, c'était son finisher à lui à l'époque où il était à la ROH, ou le nom de Tyler Black. Voilà. Donc en fait, voilà. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était à la ROH. C'est trop bien s'il a l'habitude de le faire. Voilà, prise utilisée à la ROH sans problème, mais à la WWE, c'est hyper... hyper surprenant, il a pris un risque de fou et c'est magnifique à voir. Et là encore, en plus, on a eu le fameux ralenti. Donc ça, c'était cool et ça m'a fait bien plaisir. Donc oui, en gros, pour laisser après la place aux autres, j'ai trouvé ce match superbe et qui va s'inscrire dans les meilleurs triple threat matchs de l'histoire, clairement. Avant de passer la parole aux autres, je vais faire un petit coucou à ceux de YouTube qui sont là parce qu'on a quelques auditeurs qui réagissent. Il y a James Blade, il y a Damien L, il y a Jason Kendricks qui est là aussi pour nous écouter parce que je vais redonner son avis juste derrière justement. Mais il y a James Blade qui demande d'abord, parce qu'il y a des commentateurs qui ont demandé, enfin qui disaient que Lesnar avait une côte cassée au moment juste après le spot sur la table, et il demande si ça faisait partie du booking ou si c'était vraiment ça. Je pense que ça faisait partie du booking. C'est pour vraiment mettre en avant l'aspect. Ben oui, d'autant que ça a été évoqué le lendemain dans le Raw spécial là avec que les interviews et ouais vraiment c'est dans le booking. Oui, je pense vraiment c'est pour mettre en avant parce que Lesnar est mis de côté et c'est pour mettre en avant l'aspect monstre. Il y a Damien L qui dit que c'est un triple threat excellent, jouissif et absolument à voir à son avis. Et je vais vous profiter pour donner l'avis auditeur de Jason Kendricks, que j'ai placé, attendez, que je retrouve, voilà. Il dit que c'est un match fantastique, que c'est le meilleur triple threat match depuis des années, donc même avis chrono, qui a pris son pied depuis du début à la fin, que ce match était formidablement bien construit, chacun avait sa place. Rollins a très très bien tenu le coup pour son premier match de championnat, et a pu exploiter à merveille son côté high fly, ce qui fait vraiment plaisir, franchement, j'ai tout aimé. Dans ce match, je vais vous poser une question très simple, je vais poser à vous Benito. Est-ce que Rollins est le MVP de ce match? Parce que bon, il y a Lesnar, Cena, on connaît quoi, mais Rollins là vraiment a brillé particulièrement, je pense. Ah, je suis un peu d'accord avec la fin de ta phrase, parce que Lesnar et Cena, on connaît. Donc du coup, on a tendance à placer Rollins comme MVP du match, parce que peut-être qu'on s'attend pas de par son gabarit à ce qu'il soit aussi crédible. Enfin, moi, c'est un peu la lecture que je fais de ce match. Je me disais avant, merde, il risque de se faire bouffer tout cru, il est tout petit, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en fait, moi, j'aurais une mention spéciale, même si Rollins a été exceptionnel, le match, enfin, je veux pas répéter ce qu'a dit Renaud, c'est fabuleux, pour moi, c'est le match de l'année 2015. Enfin, c'était une petite joke. Il y a trois semaines, quoi. C'est le match de tous les pay-per-view, franchement, de l'année 2015, c'est le meilleur. Quoi qu'il arrive, il se classe déjà dans les meilleurs, hein. On verra la suite. Je pense qu'à la fin de l'année, il risque d'être dans les cinq, quoi. Sauf que Cena, moi, je l'ai trouvé quand même impressionnant, alors, Lesnar, c'est la brute, Rollins, c'est le jeune loup, un peu fougueux et tout. Mais Cena, c'est le taulier, quoi. C'est lui qui tient le match. Enfin, je sais pas si vous voyez les moments de transition, les moments où il y a besoin, de passer d'une vitesse, d'une vitesse à accélérer la cadence. Enfin, pour moi, c'est le taulier. Après, Rollins, c'est la bonne surprise. Et Lesnar, c'est le monstre, quoi. Mais là, il est même plus booké comme monstre. Il est booké comme boss final de Street Fighter, tu vois. C'est Monsieur Bison, quoi. Enfin, tu vois, c'est impressionnant parce qu'il prend, il prend des dans la gueule, il prend des cornes tombes, il se relève toujours. Le passage avec trois c'est un peu gros, mais c'est vraiment pour pousser Lesnar à fond comme un monstre indestructible. Et finalement, après tout, on regarde le catch pourquoi, on attend d'avoir des trucs exceptionnels, quoi. Et même si c'est un peu fort, ça reste exceptionnel le fait que Cena gagne tous ses matchs depuis 12 ans avec des et l'autre il s'en prend 3 à la suite, il se relève 3 fois, je trouve que c'est exceptionnel, quoi. Ouais, ça fait partie des choses exceptionnelles du match. pas forcément dans le bon, parce que Brossi va dire que ça c'était pourri, et je le connais, mais pas forcément dans le bon. Enfin, je dis pas que c'est bien qu'ils aient fait ça, je dis juste que ça fait partie de l'exception qui fait ce match, quoi. Brossi, donc. Ouais, il me connaît bien, c'est bien. Parce que là, t'es coupé là en dessous le pied, ça va être dur de rebondir comme ça. C'est le Marseillais qui envoie un bon tacle au Parisien. Ah, oui. Et puis, tant qu'à parler. Là, il y a le Parisien qui pourra réagir, là. Allez. Tant qu'à parler de Street Fighter, après Bison, moi, je dirais que, il faisait un peu Honda, Brock Lesnar, après, voilà. Et Honda, puis, ça, je vais exagérer, hein. Et puis, Seth Rollins, faisait un peu Ken, quoi, voilà. C'est ça. Donc. Ça, c'est dit. Et toi, Brucey, t'es Dalsim. Voilà, oui, tout à fait. C'est très ressemblant, oui, surtout de la tête. Mais sinon, c'est sûr que passer après Renault qui avait analysé déjà, c'était assez énorme. Bon, après, en plus, après Robert, c'est sûr, c'est balèze. Mais du coup, je sais pas qui c'est, ce Robert, vous en parlez souvent, mais je connais pas. Rubenito, pardon. Oula, c'est le dernier. Donc, voilà. Non, mais c'est sûr que ce match, il est un classique de l'année. On peut sans problème le prendre déjà pour la fin d'année. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs le Rumble l'année dernière, c'était pas pareil, mais il y avait eu Bray Wyatt, Daniel Bryan qui avait un peu éclipsé la lumière évidemment au milieu d'un show qui était pas très bon, un peu comme là quoi, et puis qui avait été un des matchs de l'année. Bah là c'est un peu pareil, c'est sûr, mais avec une intensité évidemment tout autre, c'est assez différent parce que forcément il y avait rien de mieux que de les mettre les trois ensemble. C'est vrai qu'il y avait quand même le truc que le Seth Rollins qui avec la mallette gagnerait le titre, c'était pas très très fort ça, parce que c'est sûr qu'on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire de la mallette alors après. Mais voilà, d'ailleurs pour moi il est candidat à l'encaisser bien sûr à WrestleMania s'il a WWE à des coronesses comme qui est l'autre. Vous anticipez toutes mes questions, franchement. Eh oui, monsieur. Déjà il y a Damien sur YouTube qui demande si Rollins va être dans le main event de WrestleMania. Et moi, j'allais tout simplement vous demander, Seth Rollins, à quand le cash-in ? Parce qu'il est prêt. Il est tellement prêt, quoi. Ben, ouais, disons que je pense. Plus prêt que Roman Reigns, d'ailleurs. Disons que pour extrapoler un petit peu, il devrait affronter Randy Orton à WrestleMania et ensuite, voilà. Mais il est prêt à être champion, en effet. Après, c'est dommage enfin, ça dépend qui gagne le main event, mais c'est dommage de le faire cacher si c'est pas Lesnar qui gagne, quoi. Parce que ça casse tout la hype du WrestleMania là c'est discussion un peu anticipée, c'est sûr, par rapport à tout à l'heure, mais bon, moi je vois pas Roman Reigns s'imposer, donc à partir de là c'est sûr. Justement, un cash-in à WrestleMania, ça n'a jamais été tenté. Ce serait quand même un feu exceptionnel. C'est pour ça que c'est une question d'avoir des couilles de la part de la WWE, c'est tout, hein. Je pense que de toute façon ça mettrait la foule dans un délire total et autour de 80 000, 90 000 personnes, je sais pas la taille du stade cette année. Plutôt 70 000, oui. Ah pardon, excusez-moi. J'exagère. Après, hein. Je suis un Marseillais ce soir. Vu que Kevin n'est pas là, faut bien placer. C'est l'année prochaine. 90 000. Ouais, plutôt. Donc du coup, ouais, pour vous le cash-in, plutôt gros après WrestleMania. Non, moi, pour moi, ça peut se faire à WrestleMania. Pour moi, ça peut se faire à WrestleMania. Ah, pour moi, direct. Ou alors, maximum Extreme Rules, c'est tout. Sinon. Ziggler l'avait fait le lendemain d'un WrestleMania, déjà, sur Del Rio. Mais je vois. Avec une foule de folie, d'ailleurs. La WWE est capable d'anticiper aussi les mauvaises réactions entre Lesnar et Roman Reigns. Et se dire, on va faire encaisser Rollins juste après le match entre Lesnar et Roman Reigns. Ils en sont capables à WrestleMania. Bon, j'en suis persuadé. On a Sébastien sur YouTube qui dit que Reigns va gagner le titre à WrestleMania. Puis Rollins va cash-in. C'est notre Sébastien à nous, notre bon soir à tous. Oui, oui, c'est bonjour à tous. moi, je le vois pas vraiment comme ça, mais pourquoi pas. Hein. Je pense qu'ils sont capables. Après, je le vois pas. Je pense que c'est le moment, enfin, dans la tête des officiels de la WWE, ils veulent que ça soit Reigns. Donc le cash-in, il aurait pas de sens. Il aurait un énorme sens si c'était Lesnar. Ça n'a pas de souci parce que justement, en plus, ils ont créé une petite story entre les deux, donc ça aurait vraiment du sens. Mais sur Reigns, ça serait dommage de lui casser. Enfin, à mon avis, le pauvre, il va être hué s'il gagne le titre, donc ça serait dommage en plus de lui faire ça, quoi. J'avais lu une news il y a pas longtemps où il parlait justement de changer carrément les plans, mais c'est vraiment un stade de rumeur, quoi. Il disait que à Fastlane, éventuellement, Rollins cacherait sur sur Lesnar et il y aurait un triple threat entre les trois anciens du Shield à WrestleMania, mais bon, pour le titre. Ouais, enfin, ça serait vraiment un triple threat, ça serait vraiment branlette, mais c'est vraiment un booking branlette, mais bon. Ouais, c'est un peu du fantasy booking à l'extrême. Ben justement, pour continuer la conversation sur WrestleMania, on va passer au match suivant parce qu'il est, enfin voilà quoi, on sera en plein dans le sujet. Puisque Roman Reigns a gagné le Rumble match, hein, vous n'êtes pas sans le savoir. Spoiler. 9 minutes. si vous ne le saviez pas, fallait pas écouter cela. Lol. Ça fait 5 minutes qu'on spoil en même temps, mais bon. Oui, c'est pas grave. oui, mais Roman Reigns qui participe au main event, ça veut pas dire qu'il y a... Ah si. Donc du coup, en 59 minutes 10 pour le Rumble match, mais bon, Roman Reigns est entré en 19e. Mais on va parler de ce match en phase parce que on va pas tout disséquer comme ça, ce serait un peu trop éparpillé. Donc on va commencer d'abord avec une première phase que j'ai délimitée avec tout d'abord l'entrée de The Miz et de R-Truth, avec la première surprise en troisième Bubba Ray Dudley, avec la domination de Bray Wyatt, l'entrée surprise de DDP jusque l'élimination de Daniel Bryan. Alors je vais laisser Renaud parler de l'entrée de DDP, comme ça on en est débarrassé. Yo monkey, it's me, DDP, the king of bada bing, the master of the diamond cutter, the three-time world champion and founder and CEO of DDP Yoga. Non mais je vais pas saouler, juste dire. Juste dis-le, vas-y. Bah, juste dire déjà la fierté. Bah oui, la fierté déjà pour nous sur Wrestles Radio, on a eu quand même cette légende vivante. C'est génial, on l'a eu le mois dernier, là on le voit dans le ring, c'est un plaisir énorme, il va avoir 60 ans DDP, il a enchaîné les cutters à une vitesse assez folle, comme à la grande époque, surtout celui qui l'a fait de la deuxième corde sur Fandango. Il faut savoir qu'il faisait des fois de la deuxième corde à la grande époque sur des gars comme Eddie Guerrero ou Raven, à la WCW, ça m'a fait plaisir bien sûr, et je l'ai trouvé plutôt en forme, bon malgré qu'il avait un hématome assez énorme et assez important sous le bras droit, j'ai cru au début que c'était un nouveau tatouage, mais non, en fait, c'était un hématome. Mais à part ça, bon, ça m'a fait bien plaisir, bien sûr, de revoir DDP. J'ai trouvé que la pop, elle était intéressante pour un gars qui est pro WCW et non pas WWF, WWE, faut le rappeler. C'est de revoir DDP revenir avec ses fameuses bottes des années 2000. M'a fait bien plaisir. Moi, j'étais un peu déçu de la pop, Renaud, sans... Moi, j'ai trouvé que la pop est bonne par rapport au gars que c'est, par rapport à ce qu'il a marqué dans la fédération, c'est ça que je veux dire. Les gars l'ont reconnu, ils ont vu que c'était lui, ça m'a fait bien plaisir. Après, faut pas s'attendre à ce que quand DDP arrive dans un ring de la WWE, ça fasse ça. Si DDP arrive demain à Atlanta, je peux te dire que ça sera une autre pop, ouais, ça sera une autre. Non, pop. Non, bien sûr, non, mais comme on parle depuis le début, on parle un peu de la foule Philadelphie, c'est vraiment une foule de Smark. Il a pas eu la même pop que Bubba Ray, c'est vrai. Ouais, voilà, non, mais ça c'est normal. Mais après, voilà, mais moi, attention. Je vais juste, messieurs. Dans l'avis de Renault, c'est qu'ils ont vu très peu DDP à Philadelphie, donc c'est normal. Après, je vais un petit peu calmer les choses, parce qu'il y en a qui savent pas trop Mark, Smark, Smart, tout ça, parce qu'il y a des auditeurs qui peut-être nous écoutent et qui savent pas ce que ça veut dire. Donc, les retours de DDP, Bubba Ray, on en a pas trop parlé, mais c'était sympa. Hein. Ah, en même temps, hein, jusque-là, il y avait la partie DDP, c'est normal. Mais oui, forcément, Bubba, oui. Bubba Ray, on l'a pas eu en interview. Quand même. Et pas encore, voilà. Mais revenu, parce qu'on n'est pas sûr qu'il fasse un run à WWE, c'est ça qui est problématique, parce qu'il a les moyens quand même d'en faire un. Non, vraiment, en plus, il a fait son entrée, ben, comme à l'époque, et comme il y a 10 ans, quoi, comme il a laissé la WWE, voilà. 10 ans après, premier Rumble d'ailleurs, parce que ça, je fais une précision à la Renault, et je l'ai grillé. Ouais, mais j'en ai un truc. Jusque-là, il n'avait disputé que des matchs pour équipe par équipe, en général, au Royal Rumble. Donc, c'était son tout premier Rumble, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et puis, c'était marrant quand même, son passage avec R-Truth, qui faisait D-Von, Discount, j'aurais tendance à dire. Et puis, moi, j'ai aussi adoré quand même, c'était bref, mais c'était bon. L'échange Bubba Ray, Luke Harper, quand même, c'était bien, bien, bien. Et là, on voit quand même que forcément, Bubba Ray, il est très loin d'être fini. Le connaissant de la TNA, forcément, je sais qu'il a pris beaucoup d'envergure personnelle aussi. Donc, voilà. Bonifié. Et puis, on le voit arriver très, très fort. Là, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un des tout meilleurs de ce Rumble avec Bray Wyatt. Et du coup, oui, Bray Wyatt qui domine sur le ring. Forcément, qui fait un petit peu son CM Punk 2010. Exactement, où en fait, bon, un peu moins de segments micro, il prend un peu moins la parole, mais C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il domine sur le ring pendant un sacré moment jusqu'à l'arrivée de Daniel Bryan. Donc ça a été le cas, mais sauf que là, Bray Wyatt se fait pas expulser, il va faire une sacrée performance sur ce Rumble, hein, d'ailleurs. Bon, voilà, il va être éliminé que vers la fin, quoi. Ouais. 24. Malheureusement, c'est la manière de l'élimination, mais on le sait que la fin. Et elle est un peu bref, elle est un peu bref la fin de toute façon. Ouais. Enfin, voilà, on va dire c'est une catastrophe, mais on en reparlera. Mais l'élimination de Bryan, je pense qu'on va en parler plus en longueur pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous? Bah, moi, la façon dont ça arrive, oui. Et la, enfin, si vous voulez, le moment où ça arrive, oui, c'est une surprise. Après, qu'il gagne pas le Rumble, en soi, c'est pas une surprise. Mais on a l'impression que finalement, il a rien fait, quoi. C'est ça qui est surprenant. C'est d'avoir autant de hype, d'avoir un segment micro à Raw pour dire qu'il revient au Rumble, qui dure presque 13 ou 14 minutes, il me semble avoir vu. Juste pour dire qu'il prend pas sa retraite et qu'il fera partie du Rumble match. Et finalement, son segment est plus long que sa durée dans le Rumble, c'est un peu con. Enfin, ouais. Je sais pas. Non, mais de toute façon, la question. Question... Oui. Attends, excuse-moi, je prends un petit peu les auditeurs sur YouTube, qui sont là ce soir. Pour une fois qu'on en a, il faut profiter. Voilà. Il y a James Blake qui dit Make Roman look strong. C'est un peu la devise de la WWE en ce moment, en effet. Et il y a Kevin qui dit que l'élimination de Bryan, il la trouve intelligente parce qu'elle est prématurée, mais éliminée par un Wyatt très bon, et de toute façon, on s'en doutait bien qu'il ne gagnerait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne doutais pas. Mais bon, ah, quand même, mais si, de toute façon. Moi, je pense que c'est au niveau de la santé qu'ils ont été un peu frileux, la WWE. Je pense, ouais. Ils se sont dit, il peut pas faire 40 minutes, mais dans ces cas-là, il peut le rentrer 23e, quoi. Bah oui, pas 10e, c'est sûr que là. Et alors, je crois que j'avais vu une autre réaction. Ah oui, ils avaient dit que l'élimination de... ouais, c'est James Blake qui disait que l'élimination de Daniel Bryan prématurée, c'était totalement inutile. Bah, clairement, c'est ça en fait la vraie question, parce que voilà, et comme le dit aussi Robenito, voilà, quand même, c'est ça qui a tué le match, disons clairement, parce qu'il y a un avant, un après Bryan, avec forcément, il est monté tellement fort, tellement, en même temps, c'est une icône de la foule, en plus devant une foule qu'il connaît par cœur, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, après, du coup, ça fait que quand il est éliminé, c'est mort de chez mort, surtout quand tu vois qu'il rentre après, ça tue un peu le truc, quoi, voilà. Et ce qui fait aussi après les huées pour Mandarin. Alors que moi, je voyais vraiment. C'est la deuxième phase. C'est la deuxième phase du match. Voilà. Mais moi, je voyais plus le final, tu sais, Daniel Bryan, Roman Reigns. Voilà. Vraiment, le truc comme ça. Fallait voir les ça. Les deux Pierre, favoris, quoi. Voilà. Pierre, est-ce que ça te dérange si je fais ton travail pendant 4 secondes? Et donc? J'ai envie de poser une question à Brusty et à Renaud. Moi, j'ai un ressenti personnel. Et j'ai l'impression quand même que maintenant. Il l'a posé aussi. Enfin, maintenant là, ouais aussi du coup, puisque je prends ta place pendant. Putain, on est bien dans ton siège. Franchement, ah. Il est plus confortable le siège de l'animateur que le nôtre, hein, les gars. C'est normal, je suis payé plus. Donc ouais, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que finalement, le Yes Movement et Bryan en général, j'ai l'impression qu'il est devenu trop big pour la WWE, qu'ils savent pas quoi en faire finalement. Parce que finalement, les gens, ils râlent pourquoi? Ils veulent la même chose que l'année dernière. Je trouve que c'est complètement con, tu vois. L'année dernière, Bryan, de par le mouvement, de par le fait que ça soit inattendu qu'il y ait une réaction aussi forte pour qu'il soit dans le main event et le départ de Punk, faut dire ce qu'il y est, ils ont été obligés de le mettre dans le main event de WrestleMania. Mais cette année, il y a aucune raison. Il revient de blessure. Il y a aucune raison qu'il lui redonne ce... Même s'il a pas perdu son titre vraiment, il y a aucune raison qu'il lui redonne cette exposition tout de suite. Et je trouve que le public là, du coup, franchement, il joue pas le jeu. Ben, on demande pas qu'il soit des moutons, tu vois. Mais il joue pas le jeu, je veux dire. Enfin, franchement, de huer tout le monde après ça, quasiment. Enfin, franchement, c'est nul, quoi. C'est nul. Et du coup, je me dis merde, ils sont dans une impasse avec Bryan, parce que effectivement, Bryan dans le ring, c'est le plus fort, c'est le plus impressionnant, c'est le plus beau à voir, c'est le plus régulier. Enfin, on a que des qualificatifs pour lui. Sauf que son perso est en train de devenir un peu big, je trouve. Et la WWE, c'est pas quoi en faire. S'ils le font gagner, s'ils le font faire la même chose que l'année dernière, ça a aucun intérêt. On l'a vu, c'était très bien. On était tous à 5h30 du matin en train de faire des yes sur notre canapé. C'était formidable, mais si tous les ans on a ça, c'est nul. Et si tous les ans le public du Rumble siffle parce que soit il y a pas Bryan, soit il se fait éliminer, ben il va pas le gagner pendant 14 ans le Royal Rumble, Bryan. Faut s'y faire, quoi. Pourquoi et puis pas. Si ça se trouve, il va avoir un match de folie. Et puis voilà. Enfin, il y a pas besoin d'avoir un titre pour. Enfin, Renaud, il sait bien, Bruce Lee aussi, il y a pas besoin d'avoir de titre pour avoir de grands matchs ou de grandes ou de grandes rivalités, quoi. Donc je trouve que ce truc là de la WWE, du WWE univers, me gêne un peu aujourd'hui. Je sais pas ce que... Ouais, mais c'était voilà. Mal géré. Mon attendez, attendez, attendez. Voir. Voilà. Attendez, parce que Rube Benito, il a été vachement long. Et heureusement qu'il n'est pas animateur. On va dire tout simplement. Moi, je fais des monologues, hein, si je suis animateur. Ouais, bah là, c'est pas un monologue, là. On est parti pour 2 heures. C'était un petit édito, désolé, voilà. J'ai plus rien à dire, je me tais jusqu'à la fin. Là, merci. Donc, Rube Benito, donc en gros, tout simplement, ce que tu as dit, c'est que la foule à Philadelphie, elle a exagéré. On est je crois que si ça avait été à Los Angeles ou à Toronto ou à New York, ça aurait été pareil. C'est juste que les gens veulent voir Bryan gagner. C'est bien, mais c'est pas ça le catch. Quoi. Et surtout, à mon avis, ce qu'il faut, c'est la santé de Bryan actuellement. Je pense que la WWE n'a pas voulu prendre le risque de le faire catcher face à Brock Lesnar, sachant que Brock Lesnar, on a vu le triple threat match, il est pas léger, il y va pas de main morte. Ah, il est stiff. Il est très très stiff. Je pense que pour un mec qui revient quand même de très loin avec son épaule, avec son cou, tout ça, je pense que c'est très très brutal de le mettre face à un mec qui balance des German suplex comme Brock Lesnar. Voilà. Je suis d'accord, mais ça se tient pas trop ton raisonnement, puisque le deuxième catcher le plus stiff de la WWE, c'est Sheamus, et apparemment le match qui est booké pour WrestleMania, c'est Bryan Sheamus, donc ça se tient pas trop ton raisonnement, mais pourquoi pas. Voilà. Oui, mais Sheamus, c'est pour moi. Ouais, mais ça se fera pas, Bryan Sheamus. Voilà. Non, ça se fera pas, mais c'était un peu ce qui était dans les tuyaux, quoi. De toute façon, j'ai la nette impression que Daniel Bryan est revenu vite par rapport à la grave blessure qu'il a eue, ils se sont dit on va le mettre pour le Rumble, ça va faire des ventes et les gens vont regarder, sauf que Bryan, il est prêt, hein, parce qu'on revient pas non plus sur un ring, c'est pas suicidaire. Mais pour faire un temps de match très très long, non, il n'est pas prêt non plus à encaisser des coups comme un ouf. Donc ils ont fait ça, mais c'est très mal fait et très surprenant et ça casse un peu le truc. Que ça soit Bray Wyatt qui l'élimine, ça c'est plutôt bien parce qu'il mérite d'éliminer un gros nom. Il a fait un énorme Royal Rumble, Bray Wyatt, il a vraiment été très bon. Wyatt pour moi c'est le MVP du Rumble. Ouais, il a vraiment été, c'est vraiment ouais. Très très bon sur le match. Après Bryan qui soit sorti comme ça, c'est vrai que c'est un peu chiant et c'est pas logique. Il aurait dû peut-être rentrer plus tard et le faire rentrer plus tard. Mais là, dans le match là, à ce moment-là, c'est vrai que ça a cassé le truc parce que les gens ils sont totalement maintenant pris par ce truc de Daniel Bryan. Quoi. Totalement. Ben, après, c'est un peu de la faute de la WWE de l'avoir balancé comme ça, comme un prétendant vraiment trop crédible, peut-être. Parce que là, ils ont fait quand même un booking sur 3 semaines. Qui était oui, mais Pierre, à partir du moment où aujourd'hui tu mets Bryan dans un match, il est favori. Peu importe le match. Tu le mets contre Cena, Lesnar, Reigns, Rollins, Ambrose, n'importe qui, il est favori parce qu'il a un statut élevé dans la WWE. Donc forcément, si tu le mets dans le Rumble, il est favori. Si demain il y avait Elimination Chamber, il serait favori. C'est comme ça. Il fait partie des main eventers, il est favori. Donc tu peux pas t'en passer. Il est en bonne santé. Mais il y avait autre chose à faire et je pense qu'il y avait une autre réaction à avoir, quoi. Voilà, c'est tout. Après, bah, là, je crois que sur ce niveau, tout le monde est d'accord. Hein. Par exemple, réaction sur Twitter, Christophe Joblin qui dit voilà, moi je suis d'accord avec lui, mais au moins ne l'éliminez pas comme un couillon, c'est sûr. Parce que l'élimination était vraiment prématurée, je pense. Bah, c'est anodin, quoi. T'as très peu de grands noms sur le ring. T'as Rousseff, t'as Wyatt et sinon voilà. Donc. C'est surtout qu'il a éliminé quelqu'un, Bryan, oui. Oui, je crois. Je m'en rappelle plus qui. Il a éliminé Tyson Kidd, voilà. Ouais, voilà. Enfin, sur franchement, une souplesse si arrière, voilà. Tu vois, à la limite, il aurait fait rentrer quand il y avait encore les deux de la Wyatt Family. Il élimine les deux de la Wyatt Family et là, Wyatt le sort sur l'élimination. Bah, très bien. Il élimine deux big, deux gros noms, deux mid-carters élevés. Et il se fait surprendre par Wyatt qui vient par derrière le basculer. Là, ça aurait un sens. C'est l'élimination qui a pas de sens. Mais après, voilà, c'est tout. Après, vous savez ce que j'en pense. Hein. On va passer à la dernière phase. Donc Roman Reigns qui arrive et qui a donc ces grosses sessions. Il y a l'arrivée de Kane. Enfin, d'abord Big Show, après Kane. Et puis ben là c'est un peu le public qui hue le match, qui chante des bullshit et qui se rabat sur les derniers chouchous personnels, en tout cas du public. Il y avait Ziggler qui a eu sa pop, il y a Dean Ambrose qui a eu sa pop, Cesaro même, et il me semble que c'est tout. Il y a Mizdo aussi, mais bon, Mizdo Voilà. Ah bah en même temps, Mizdo, il a été éliminé à vitesse grand V, donc. Ouais. Et puis c'était pas crédible de ce moment. Mais par mais contre, il y a même Ziggler, ça fait très mal. Hein. Oula. Même Ziggler, c'est la descente aux enfers, je trouve, pour lui. Ah non, mais c'est affreux de l'avoir booké comme ça à Survivor Series et de lui offrir un Royal Rumble comme ça en arrivant 30e. Bah, c'est pour ça que la foule, elle a complètement craqué parce que là, elle s'est dit quand même Ziggler. Attends, et puis après, on donne ce Final Four. Non, non, non. Après Bruce, ils veulent faire gagner Reigns. C'est dans les papiers, c'est comme ça. Ouais. Si tu fais un Final Four avec Ziggler, ben Reigns, il aura zéro réaction. Déjà qu'il a été hué. Si tu mets Ziggler en face de lui, ah oui, mais bon, il aura aucune réaction. Ajuster quoi, voilà. Non, mais faut ajuster parce que Reigns, moi il j'aurais était vu pas rentré à l'odeur de sainteté, donc voilà. Moi j'aurais vu Ziggler rentrer au début à la place de Bryan, faire tout le match et se faire sortir là où il est sorti. Là, ça aurait été logique quoi. Rentrer 10e et sortir 25e, ça aurait été logique. Mais je pense qu'ils n'ont pas prévu que le public serait aussi énervé que ça. Je pense vraiment qu'ils se sont dit, ok, plus... on sort Bryan rapidement. Et comme ça, quand Roman Reigns arrive, Bryan, il n'est pas en même temps que lui sur le ring. Et du coup, il va pas avoir de lui et Roman Reigns. Et ouais. Ils ont cru que toute la pop se rabattrait sur Roman Reigns. Mais là, ils se sont trompés de A à Z. Il y a même The Rock qui arrive à la fin, donc après que Reigns ait gagné le Rumble, enfin plus ou moins, pas vraiment. Genre, je vais te sauver mon fils. Ah, non, genre, mais ça c'est la fin. Quel suspense. Je sais pas vous, mais pour moi c'est la fin la plus bafouillée en plus. C'est parce quel que suspense. La cloche elle sonne deux fois en plus. Donc. Oui, elle sonne deux fois parce qu'il y avait encore Rousseff. Oui, ça va oublier Rousseff qui était sorti en mode Santino. Oui, ouais, tout pas vu avant. T'sais. Donc oui, voilà, c'est... Ah là là, et puis ben Rousseff qui revient pour se faire éliminer ouais. N'importe comment. Il n'y a même pas d'affrontement quoi. Il arrive, il se fait prendre la tête par Reigns, il tombe par-dessus à troisième plan, c'est absolument n'importe quoi. Donc voilà. Surtout mais... Rousseff quoi, surtout Rousseff avec tout son perso et tout ce que ça implique. Ouais, c'est surtout comment qu'il aura perdre fait... deux ans de hype et de crédibilité. Si, surtout qu'il aura fait un bon match, je trouve donc. Est-ce que franchement la WWE a fait enfin. Après il le méritait, il a sorti DDP. Hein. Est-ce que oui voilà oui c'est vrai vengeance personnelle où tu élimines DDP tu te fais expulser comme un roumain et DDP numéro 14 juste pour y revenir. Pardonnez-moi pour cette analogie. Non. Vas-y Pierre pose ta question vas-y. Donc est-ce que pensez pas que tout simplement on peut pas résumer sur ce Rumble match comme une succession d'erreurs de booking. Ah si clairement. Surtout les personnages, je pense que là le résumé qu'on doit faire et qui est clair, c'est que la WWE s'est plantée de A à Z. Non, mais peut-être en plus il y a des embrouilles. Oui. Peut-être pas sur le vainqueur parce que le vainqueur, il le build depuis des mois donc je vois pas comment on aurait pu avoir autre chose que Roman Reigns, mais plutôt sur le fait de dire OK, on fait Roman Reigns mais on vous l'impose tellement que on décrédibilise tout le reste du roster. Et ça, je pense que c'est vraiment là l'erreur de la WWE. Oui, parce que quand tu vois qu'à côté, t'as Dean Ambrose, Dolph Ziggler qui sont passés comme des fantômes dans ce match. Ouais. Donc, Ambrose, il a un booking de merde aussi. Hein. Franchement, il perd tous ses matchs, il perd toutes ses rivalités. Et putain, je sais pas, t'as un potentiel de fou avec ce gars-là et il est hyper mal booké. Et comme tu dis, Pierre, le match en lui-même, il est mal booké. À part le passage de Wyatt. Donc on va dire jusque de la première minute jusqu'à ce que Bryan rentre, c'est très très bien booké. Donc on va dire le premier tiers est très bien booké. Après le milieu de Rumble, c'est toujours comme ça. Enfin Renaud, il en a vu autant. Enfin on les a quasiment tous vus tous, mais le milieu de Rumble, c'est toujours comme ça. Le ring se remplit et puis ils attendent l'arrivée des big names pour faire le ménage. Et ça repart. Donc, le après, milieu, ouais. On va dire le milieu, c'est toujours comme ça. Mais la fin, c'est n'importe quoi. La fin, c'est n'importe quoi. Il y a rien qui va à la fin. L'ordre d'entrée quand t'as des Big mecs, Show ça va et pas, Kane qui font le ménage et tout, là, oula. Non, mais ouais. Non, mais l'ordre d'arrivée des mecs, ça va pas. L'ordre d'élimination, ça va pas. La façon d'éliminer, ça va pas. Et le gagnant, ça va pas. Mais il y a aucun suspense, quoi. Même si on pense plus à Rousseff, qu'on voit Big Show et Kane face à Roman Reigns, qui est seul, en plus, face aux deux, on sait très bien ce qui va se passer, quoi. Non, parce qu'on se dit, bon. Si on pense plus à Rousseff, on se dit, bon, de toute façon, il a gagné le match, qu'il le tabasse ou pas, il va aller à la seule manière. Ouais. En gros. Et si on pense à Rousseff, on dit bon ben c'est bon Rousseff il va revenir et Reigns en Superman il va le sortir. C'est clair. Voilà ce qu'on se dit. C'est d'ailleurs James Blake dit Roman Reigns égale Superman. Non mais tu sais il y a un vrai problème. Superman Punch. Non mais il y a un vrai problème déjà à la base. Le problème c'est qu'il y a plus de concurrents à la WWE. Ça c'est une première chose. La WCW depuis qu'elle est morte, Il n'y a plus de concurrent à la WWE pour qu'elle se bouge le cul. Et le problème. Il y a la Lucha Underground. Ça arrive, non. Ils sont là. Non mais le problème. Viva la Blizzard. Le gros problème, c'est que les fans de catch sont plus les mêmes qu'avant. Quoi. En 1980, on bouffait du Hulk Hogan à plein temps, mais les gens se rebellaient pas. Les gens, ils se rebellaient pas, c'est pas grave. Maintenant, ils sont un peu dispatchés, ils peuvent voir beaucoup plus de catchs divers et variés, et puis c'est vrai que la WWE, aux États-Unis, elle est très hégémonique, même dans le monde. On peut dire que l'IWC, la fameuse, donc l'Internet Wrestling Community, je pense qu'elle grossit pas mal, depuis, depuis Punk. Et juste pour, Punk a lancé un monstre qui n'a pas su contrôler. Et juste pour finir, juste sur ce que je disais là, en fait, il y a un peu de concurrence, mais c'est pas de la concurrence aussi directe, aussi entre guillemets agressive que l'était la WCW, bien sûr. Oui, c'est pas frontal, quoi. C'est la pas TNA, en même temps, c'est faiblard. T'as Dixie, quand elle te dit qu'elle va concurrencer la WCW comme du temps des Monday Night Wars, alors là, tu rigoles comme pas possible. Oui, qu'elle essaye de pas se dépasser par, de faire dépasser voilà. Par la ROH ou la Lucha Underground, ça sera déjà bien. Voilà. Et de l'autre côté, il y a la New Japan Pro Wrestling qui grandit très fort, mais qui n'a pas comme intention de gêner la WWE, mais de prendre son propre marché, quoi. Voilà. Non, mais à l'international, ce genre de fédération-là, ça fonctionnera jamais, même si ça peut être très bien. Elle perce, mais au milieu de la community internet, comme disait Pierre. Mais d'un côté, le nombre de fans dans le monde de catch baisse, et d'un autre côté, le nombre de fédérations augmente. Donc forcément, le gâteau, il est de plus en plus petit, il y a de plus en plus de personnes qui veulent le manger. Ouais, donc forcément, voilà. Ouais. Et oui. Et la Ring of Honor qui refait les pay-per-view, par exemple, voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup de variétés. Donc, ouais. Il y a Renaud qui disait quoi? Comme il y a Gus qui est fan de catch, ben voilà, on a moins en moins gâteau, de parts de gâteau. C'est cool. Non, mais. Quand même, pardon. C'est pour ça que je voulais qu'il l'a. Juste pour revenir encore une fois très vite sur les fans de catch qui ont changé, et la WWE, malheureusement, comme elle a plus de concurrents directs, elle s'en fout, quoi. Je veux dire, elle fait des trucs. C'est pour ça que ça pose un problème aussi pour Roman Reigns. Bon, bien sûr, Bryan a été éliminé, donc les mecs derrière sont sifflés, mais un gars comme Roman Reigns aujourd'hui, c'est hyper difficile d'être booké babyface. C'est pareil pour John Cena. Nous, on est un peu les oies, tu vois, puis ils nous bourrent comme pour faire du foie gras, tu vois, ils nous mettent dans la bouche, puis allez. On les bourre, quoi. Et c'est ça le problème. Ça a changé à la période Attitude Era. Un mec comme Stone Cold Steve Austin, il se comportait comme un heel. Il mettait la misère à Vince McMahon chaque semaine. Les gens ont apprécié. La NWO est arrivée à la WCW. Les t-shirts de la NWO ont explosé. C'est un peu ça. Les gens aujourd'hui prennent parti pour Daniel Bryan parce qu'ils ont vu qu'il a été bloqué comme pas possible. Oui, en fait, faut que ça pour soit. Pour Cesaro, pour Ziggler, tu vois, pour des gars comme voilà. Ça. Ils sont très bons dans le ring. Bryan, Cesaro, Ziggler, c'est des athlètes énormes in-ring. Mais les gens savent très bien maintenant, aujourd'hui, qu'il y a des gens en coulisses qui prennent des décisions, des bookers, des dirigeants. Ça, dans les années 80, ça se disait pas, surtout pas. Il fallait que les gens croient vraiment que les catcheurs, ils étaient là et c'était eux qui faisaient les choix. C'est Hogan, quand il gagnait un match, c'était vraiment Hogan qui avait décidé, c'est grâce à lui, quoi. C'est grâce à sa descente de la cuisse, il gagnait. C'était pas grâce au monsieur derrière qui lui disait, bon, c'est toi qui vas gagner. Donc, c'était totalement différent. Hogan, il se faisait applaudir par tout le monde. Bien sûr, on avait qui aimait pas Hogan, mais la majorité aimait Hulk Hogan. Et aujourd'hui, ça a énormément changé. Les gens savent que c'est dirigé et ils se retournent contre la décision de la WWE en sachant ça. C'est pour ça que Roman Reigns, il est en difficulté. Ouais, déjà, mais il est fan, très limité in-ring en plus. Bon, ça aide le pas. Fan de catch est versatile. Complètement. Quand il était dans le Shield, tout le monde disait il est énorme, il a un charisme de fou. Non, ce que je trouve toujours, moi, personnellement. Non, après, c'est clair, faut arrêter de faire... Qui touche un bon point, c'est quand même qu'il y a moins de liberté qui est donnée, je veux dire, pour l'improvisation dans le ring. Ça arrive encore un peu, mais alors c'est rare. Et puis ça appartient à très peu de personnes. Je l'ai lu. C'est rare. Cette rolling, ça l'a fait grâce à son Phoenix Splash. Hein. Non, mais regarde, on encense le Triple Threat. On se rappelle Punk quand il avait fait des moves, des fois, c'était pas dans le booking, et puis ça a mal passé, donc. Ouais, mais on encense un truc qui est dans le même show, c'est-à-dire qu'ils sont capables du pire et du meilleur. Après, je pense que la WWE, ils tentent quand même, ils tentent des choses, souvent on dit ils bougent, machin et tout, mais ils ont fait une story de fou à Daniel Bryan, comme il n'y en a pas eu depuis je sais pas quand. L'Ultimate Underdog qui gagne le titre contre le Top Face clean à SummerSlam. Enfin, moi j'avais pas vu ça depuis je sais pas combien d'années, quoi. Ça n'arrive pas, ce genre de choses. Mais pour le repère derrière par la mallette Orton, hein. Non, mais d'accord, mais CM Punk, quand il est arrivé, c'était une star indie pas connue, ils lui ont donné deux fois la mallette, deux fois le titre, ça a pas marché, ils lui ont quand même redonné des chances et des chances et des chances. Alors ok, des fois ils se trompent sur des mecs et tout, mais franchement, ils, enfin, je veux dire, les mecs qui sont bons, ils sortent du lot d'eux-mêmes, quoi. Ziggler, il a rien demandé à personne, il est adoré parce qu'il est bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Ouais, mais c'est sinon, pas la WWE. Vince McMahon le dit dans le podcast, c'est pas à la WWE de dire que c'est à nous d'aimer lui. C'est, enfin, de d'aimer un tel ou un tel, c'est au mec là de se faire aimer. Ils essayent quoi. Quand même, hein. Attends, oui, quand ils essayent, malgré c'est que, normal. En face non, mais Roman Reigns, ils te le mettent dans la tête, quoi. Roman Reigns, John Cena, c'est des gars qui te mettent ça dans la tête, un truc de malade. Les gens ne veulent plus de babyface propre. Non, mais sinon. Ils veulent des Dean Ambrose, des mecs comme ça qui se rebellent à coups de sauce ketchup et de moutarde, quoi. Non, mais sinon, quand même, moi, j'avais juste une petite remarque. Il y a aussi le fait, je trouve, que derrière, il y a aussi NXT et qu'il y a quand même des gars qui sont adulés par la foule aussi derrière. Alors, c'est pour ça. Ouais, mais ils sont croissants, c'est pas comparable. Non, mais adulés par la foule, je veux dire. Adulés par les smarks, voilà, je veux dire. Regarde, à part Ambrose, à part Rollins, pardon, tous ceux qui sont arrivés du nouveau NXT, mais il y en a aucun qui fonctionne. C'est que, ils sont bons dans un petit show. C'est facile d'être très bon dans un petit show. Et d'être très bon dans un grand show, c'est autre chose, quoi. Ouais, enfin, mais la différence. Vince, il est content quand même avant d'être hyper crédible comme top player, quoi. Je pense qu'on a fait le tour quand même du débat. Ça fait 28 sauf, heures qu'on parle sauf de ça. Sauf quand même un petit truc, non, Pierre. Je crois quand même qu'il y avait un cas oui, spécial. Oui, oui, oui. Ah, mais oui, il y a Curtis Axel qui n'est pas éliminé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, pour Rowan, c'est pas vraiment ça dont je voulais parler, mais bon, oui. Mais après, il y a aussi, on va remercier Christophe Ajus qui a tenu son pari en live parce qu'on on lui a envoyé un petit tweet où on lui a demandé de parier sur le lapin comme gagnant du Rumble et il a dit à l'antenne qu'il pariait sur le lapin. Si le lapin arrive, Philippe, je vous dis tout de suite, c'est un de mes favoris pour l'instant, on a vu du balcon au Royal Rumble. Merci donc, à lui. Défi relevé, c'était cool, on l'a eu en interview. Prochain défi Fastlane. Voilà, c'est un défi. Prochain défi à Fastlane, je sais pas, est-ce que. D'ailleurs, Pierre, on va faire un petit jeu. On va demander à nos auditeurs de nous donner des idées de défis et la meilleure, on la transmettra à Jus pour qu'il le tente à Fastlane. Pourquoi pas vous envoyez ça sur Facebook, peut-être en message ou sur Twitter. Vous envoyez Facebook, ça directement Twitter, sur Twitter, YouTube, Pigeon Voyageur, Spécial Radio. Ou sinon, vous utilisez justement le hashtag WRLive. Vous nous envoyez ça, on essaiera de récolter un petit peu. Et ouais, on enverra ça à Jus, pourquoi pas. Tiens, ce sera pas mal. Bon après, ouais, peut-être pas trop embêté, hein. Mais enfin si de mal. Ne l'appelle pas Philippe et ça ira. Voilà. Mais moi je m'appelle pas Gus. Ce pay-per-view est terminé. Mon Dieu. Mince. Déjà, j'ai pas dit que Luke Harper c'était un botch, mince. Moi aussi je pense Renaud que c'est un botch. Ah. Pourquoi? Parce que ça se voit. Regardez bien son élimination au ralenti avec les fabuleux ralentis. Ah oui. Wyatt veut sortir juste Rowan et Harper glisse. Et à mon avis, la phase de domination de Wyatt, elle est pour le coup totalement improvisée parce qu'ils doivent être deux normalement, je pense. C'est pas fait. Et c'est le petit jeu de repérer le botch à chaque fois dans le Rumble, ça arrive comme ça. Ouais. Coucou Titus O'Neill. Enfin, le vrai botch, c'est Roman Reigns vainqueur. Voilà. Voilà. Matardi à l'époque, il en avait fait un sacré. Donc. Ah oui, bah c'était fantastique. C'est éliminé tout seul, quoi. Bref, du coup, on va fermer cette page et on va passer aux notes du pay-per-view. En général, je vous laisse réfléchir. Donc, on va passer directement à Renaud. Du coup, sa note. Je vais mettre un 4 sur 10 pour le très bon triple threat match qui va rester dans l'histoire et pour la première partie du Rumble match qui est ma foi très bonne. Et puis DDP, j'ai dit ma foi à la Bruce Lee. Et DDP qui est là, en plus, ça fait plaisir. Et j'ai la voix qui part en live. Pardon. Ça tombe bien de partir en live sur live. Donc du coup, Broussi. Après cet hommage appuyé de Renault, je dois dire que ma foi, moi, je mets un 3,5. Voilà, là aussi le triple trap, parce que sinon, je mets juste en valeur les performances de Bobaré, DDP, Bray Wyatt. Voilà, et sinon, la partie tag team était forcément inutile. Et puis, basta. Voilà. Roux Benito. Alors moi, je vais mettre 4,32. Non, je rigole. C'était pour ton calcul. Non, 4,5, juste parce que le triple threat, il est quand même bon et que c'est toujours kiffant un Rumble, même s'il est mal booké, c'est toujours kiffant. Donc je lui mets pas la moyenne parce que faut pas déconner non plus. Mais 4,5, c'est pas mal, je trouve. Alors moi, je vais pas mettre de notes exceptionnellement parce que je n'ai pas vu tout le pay-per-view. Voilà, c'est un aveu. Ah bah, bravo. Je dois le confesser. C'est franc. Excusez-moi. Hashtag Gus. Je suis désolé. Et hashtag Kevin. Hashtag tout ce que vous voulez. Hashtag WR Live surtout. Toujours. Mais tout simplement parce que je suis arrivé en live au moment du Triple Threat match, donc je suis très bien arrivé. J'ai regardé ça et le Royal Rumble match, et tout simplement, bah après, j'ai pas eu envie de regarder tous les tag teams parce que la carte n'est pas très alléchante et parce que voilà, il y a des fois où on est moins motivé que d'autres pour des raisons X ou Y. Sur YouTube, il y en a qui mettent des 6 sur 10, des 5 sur 10, ils sont un peu plus généreux que vous. Oh, ils sont un petit peu plus généreux que vous sur YouTube, mais en tout cas la moyenne ici est de 4, hein, 3,5, on est 4, des éternels 4, insatisfaits, non. 4 sur 10, voilà, ça, il y a Sébastien qui est d'accord avec nous, qui dit que 4 sur 10 ça correspond bien, voilà, la moyenne est bien. Tu veux une petite stat, Pierre? 4,5 pour 6. Top level, voilà. Oui, parce qu'il nous l'a teasé tout le live, Renaud, sa stat, il nous l'a pas donné, quoi. Eh ben, écoute, alors c'est une stat de tête, j'ai pas été vérifié, mais je suis sûr à 99,9%. Je pense que c'est le premier pay-per-view Royal Rumble où il n'y a pas un seul 1 contre 1 de la carte depuis 1988. En comptant le pré-show en plus ce soir-là qui était par équipe. Ah, oui. Possible parce qu'il y avait beaucoup de matchs de championnat. Et je crois pas me tromper en disant ça, vraiment. Ah, je pense pas non plus parce que les matchs de championnat... Puisqu'il y a eu le triple threat en plus pour le match de champion du monde, donc il n'y a pas eu un seul 1 contre 1 de la carte et c'est jamais arrivé dans l'histoire du Royal Rumble pay-per-view. Et voire même. C'est peut-être même jamais arrivé dans l'histoire d'un pay-per-view. Les pay-per-view en général, c'est très très rare. Peut-être des Survivor Series au début où il n'y avait des 4 contre 4. Ah oui. Mais sinon, ouais, c'est très très rare. Et quand même, notre plus optimiste, il y a Kevin, lui, il a mis 6,5. Hein. Le Rumble n'a pas dégoûté plus que ça et Triple Threat qui a sauvé les tag match. Voilà. Ouais, ils sont vachement plus positifs que nous sur YouTube. Hein. Peut-être qu'on est un peu vieux. 5 enfin, sur 10 plus. De Damien aussi. 6 sur 10 de James Blunt. Fait voilà. Alors. On va vous remercier d'avoir tous été présents ce soir sur ce live et on va en profiter pour dire que vous pouvez nous retrouver, peut-être que vous y êtes déjà, mais on va dire que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Wrestleuse Radio. On a retiré le officiel entre parenthèses parce qu'il était moche. Voilà. Sur Twitter, Wrestleuse Radio. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner juste en dessous, là où il y a le bouton rouge. c'est un beau bouton rouge et il faut appuyer dessus. Le podcast sera disponible sur archive.org, donc vous pourrez retrouver le podcast dans une version éditée par ce cher Vincent qui va avoir beaucoup de travail et on est très content de lui donner du travail. Et le podcast sera aussi disponible sur iTunes, vous abonnez tout simplement à Wrestleuse Radio, c'est gratuit et à chaque fois qu'un podcast sort, il apparaît, donc que ce soit Late Night Wrestleuse, Impact Wrestling, tout ça. Justement, les prochains rendez-vous, ce sera Fastlane qui se déroule le 25 février, si je ne me trompe pas. Et non, c'est le 22 février, pardon. Oui, c'est le 22, oui. John Cena, Rousseff, oui. Donc je suis un petit peu comme ça. Et donc 22, oui, où il n'y a que John Cena, Rousseff encore de bouquet. Et du coup, le podcast sera le 26 février. Mais avant ça, il y aura un Impact Wrestlers spécial, parce que Vincent et Sébastien auront le plaisir d'aller sur la tournée en Angleterre de la TNA. Donc du coup, il y aura sûrement un petit podcast dessus. Et aussi, prochainement, il y aura Takeover 4 qui sera disponible gratuitement sur WWE Network. Abonnez-vous juste pour voir Kevin Owens contre Sami Zayn, ça va être explosif, franchement. S'il y a une raison de prendre le network, c'est forcément ce match. C'est gratuit en février, ce sera le 11 février, voilà. Donc que ce soit ça, que ce soit Fastlane. Vous avez Fastlane et Takeover gratuit. Donc franchement voilà. Et du coup Next Gen Wrestlers qui suivra donc Takeover 4 probablement dans la semaine, on vous transmettra tous les liens. Nos partenaires, il y a FN Lutte qui partage toutes nos interviews et qui est un partenaire solide et très cool. Donc du coup on est content de les avoir. Il y a Voxcatch évidemment qui nous héberge sur wr.voxcatch.fr, ils sont toujours là pour nous. Et puis il y a la revue de Vincent du Royal Rumble qui est disponible. Il y a aussi un petit article plus précisément sur la victoire de Roman Reigns de Mémimine, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi des nouveaux, il y a British Wrestling Revival qui est un blog qui fait des interviews de catcheurs du monde indépendant qui est plutôt anglophone. Il y a Machine Catch et il y a Lucha Underground FR, donc sur Twitter, qui est une chaîne en fait qui rediffuse les épisodes de Lucha Underground, donc le nouveau show de la AAA. Oui, c'est ça, oui, exactement. Avec au commentaire. Je regarde avec le fameux Matt Striker, mais on dira ça plus tard. Bon, on l'a dit, mais on le dira un peu plus tard quand même. Et du coup, voilà. Bah, on va le dire, on s'en fout, on spoil. On risque de l'avoir en interview dans pas longtemps. Consultez vos téléhoraires, tabernacle. Voilà. Donc du coup, Lucha Underground FR, donc qui en fait commente en français des shows de Lucha Underground. Donc c'est pratique pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais ou l'espagnol. Voilà. Vu que c'est un peu façon telenovela. Vous pouvez retrouver aussi une interview de Christophe Ajus. On en a déjà parlé. Mais elle est disponible donc sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Surtout qu'il avait deviné le bon vainqueur. Hein. Bon. Donc, franchement, comme 98% des fans de catch, ouais. Mais bon, quand même. Mais bon, c'est pas faux, hein. Oui. Franchement. C'est souvent prévisible, en même temps, le résultat global. Ouais. Mais comme un béné, moi, j'avais voté Daniel Bryan. Donc, ouais. Et moi, Fernando. Non, je déconne. Je déconne. Moi, Curtis Axel, quoi. Fernando, qui n'est même pas apparu. Donc. Lui, en plus, ouais. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie encore une fois tous d'avoir été présents. Et puis ben on se retrouve le mois prochain et d'ici là portez-vous bien, à la prochaine. Ouais, merci ciao, à tous, ciao. Ciao. Salut les amis. Ciao ciao. Bang! Monkey.